Donc, c'est Bruno Rolli, je suis un des contributeurs de, d'OpenStreetMap ici dans la région de Québec. Donc, je voulais sans toucher deux mots, étant donné qu'OpenStreetMap fait partie du paysage des données ouvertes et du libre. Donc, globalement, on peut voir OpenStreetMap comme une carte, mais c'est en fait à la base une base de données d'informations géographiques, des données géographiques. Sur l'ensemble du territoire. Dans l'écosystème des données ouvertes, OpenStreetMap se situe sur les deux niveaux comme producteur et consommateur de données ouvertes. Consommateur à la base, lorsque le projet a démarré il y a environ 12 ans, plus du côté de l'Europe, de l'Angleterre en particulier, on est parti avec beaucoup de jeux de données ouvertes nationales, provincial, municipal, pour avoir les informations de base, réseau routier bien entendu, puis les grands secteurs boisés éventuellement. Donc au niveau du Canada, on a des données ouvertes du fédéral pour le réseau routier, et puis aussi de ressources naturelles Canada pour les boisés, puis les plans d'eau, les lacs, les limites administratives aussi. Niveau national et puis les limites administratives des provinces, ce genre de choses. Donc on voit que le résultat est quand même avec une base suffisamment riche pour avoir des informations intéressantes au niveau national. Quand on a ces données ouvertes là, quand on les a pas, on va prendre un exemple ici où l'import n'a pas été fait, malheureusement, mais comme disait François tantôt, là OpenStreetMap est fait par des contributeurs, des citoyens. Donc on y va avec les efforts et le temps que mettent les citoyens sur ce projet-là. Je dirais ça représente 2 500 000 utilisateurs à travers le monde. Bien sûr, on peut dire oui, mais c'est des comptes créés, est-ce qu'il y a vraiment des contributions actives? Sur ces 2 millions, plus de 2 millions de contributeurs, on a quand même un volume de 25 000 contributeurs actifs, ce qui est quand même intéressant. Sur ces 25 000 contributeurs actifs, la contribution est intéressante. On parle d'environ 400 points géographiques par jour et par utilisateur, que les utilisateurs actifs. Donc, on va dire, soit il y a des gens qui se créent une fois un compte pour un besoin ponctuel, ou des mises à jour ponctuelles dans leur quartier, par exemple une rue qui devient en sens unique, ce genre de détails-là. Et les contributeurs actifs, eux, sont quand même très actifs. 400 points, là, ça représente quand même une centaine de bâtisses dans un arrondissement, ou 400 arbres sur une municipalité par jour, par utilisateur actif. C'est quand même intéressant. Donc là, si on zoome sur Limoilou, on arrive à un détail effectivement important. En 2015, il y a eu une petite collaboration avec OpenStreetMap et puis un projet de Je vote pour ça dans Limoilou, pour les ruelles de Limoilou. Donc l'idée à la base, c'est qu'avec les données ouvertes que nous avions, entretenues par les contributeurs OpenStreetMap, comme je disais, on peut changer un sens unique, il n'y a pas juste du géographique, il y a aussi beaucoup d'urbanisme dans le projet, étant donné qu'on tient compte de l'évolution du déboisement, rajout de zones de construction, comme on peut voir ici, à Testimoville, le fameux centre Vidéotron aussi, qui a été rajouté. Donc au fur et à mesure de l'urbanisme, on doit faire vivre ces données cartographiques-là, et on ne peut pas se baser uniquement sur un import massif de données ouvertes. OpenStreetMap n'est pas un rassemblement de données ouvertes, ce sont des données ouvertes que l'on met à disposition du bien commun et qui est du crowdsourcing, là, un mélange de données ouvertes pures et statiques qui sont publiées une fois aux ans ou deux ans parfois, ou pire que ça, et qu'il faut entretenir, préciser. Quand on parle de données du fédéral sur le boisé, là, on a des polygones à échelle nationale, donc on n'est pas au centième Et on doit repréciser les contours de tous les boisés avec une précision beaucoup plus exacte plutôt qu'un point aux 500 mètres, puis des zones, zones boisées ou zones humides qui sont découpées au couteau approximativement. Donc l'apport de contribution des contributeurs OpenStreetMap n'est pas nécessairement en quantité, mais aussi en qualité, quelque part, puisqu'on peut remodeler ces données ouvertes-là. Et puis en rajouter. Bon, donc pour Limoilou, ce qui se passe, c'est que nous avions le réseau entier qui était là. Il nous manquait les ruelles pour ce projet de mise en valeur des ruelles du quartier Limoilou. Donc OpenStreetMap, à ce moment-là, a fait des relevés sur le terrain pour voir où étaient les ruelles, jusqu'où elles allaient, parce que dans certains cas, elles ne font pas la jonction entre deux rues ou deux avenues. Donc, à partir d'un appareil mobile, éventuellement d'un GPS classique, on fait des relevés GPS, on les transpose sur la carte, et à ce moment-là, ça nous permet d'enrichir les données existantes. Ce ne sera pas bien long, je vais vous montrer un petit peu l'exercice qui a été fait à ce niveau-là. Ici des tracés de relevés GPS. On est en zone urbaine avec beaucoup de bâtisses. On n'a pas forcément une précision aux 3 mètres ou à moins d'un mètre. On est à peu près à 3 mètres justement. Donc, mais ce qui nous permet quand même d'avoir le tracé des ruelles qui étaient manquantes et puis leur limite. Donc, à partir de ces relevés-là, on a pu rajouter les ruelles manquantes et développer le réseau. Je vais juste vous montrer un petit exemple. Je pense que je te rends la vie difficile. Une souris, ça irait mieux. Bon, ça va aller. Merci. Donc en fait, bon, globalement, l'idée c'est ça, c'est que OpenStreetMap, c'est vraiment un mélange de données ouvertes brutes, puis de contributions qui peuvent être faites à partir de relevés sur le terrain, puis d'observations sur le terrain, ça peut être des relevés GPS comme on peut voir ici, ou bien des complétés avec des photos. D'autres supports, mais c'est beaucoup d'observations sur le terrain. On pourrait éventuellement se baser sur une vue satellite. Encore là, c'est nécessaire mais pas suffisant. Les vues satellites qui sont à notre disposition sont parfois un peu vieilles. Si on parle de photos de 2013, rendu en 2016, là, le centre Vidéotron n'existait pas. La bâtisse est passée au feu, un chantier est terminé, la bâtisse est là. Il y a eu du déboisement dans tel secteur en périphérie nord de Québec. Plein de petits détails de la vie, de l'urbanisme que on doit prendre en compte et ne pas juste se baser sur une source, les données ouvertes ou des vues satellites, c'est en fait un travail de corrélation humaine entre différentes sources selon le bon jugement de chacun des contributeurs prendre toujours la meilleure source possible, la plus récente, la plus exacte, d'y aller avec notre bon jugement, puis de reproduire en tant que données, on parle de points, de lignes, de polygones, ces données-là pour finalement fournir une carte la plus à jour possible, donc une carte locale alimentée par les contributeurs locaux, une bonne connaissance de sa ville, de son quartier, ça aide. Et puis, pas juste une carte, mais des données géographiques. Ces données-là peuvent être utilisées pour des applications mobiles, de géolocalisation, ça peut être pour aussi du data journalisme, des personnes qui veulent faire un site thématique. On peut à ce moment-là extraire uniquement les ruelles, ou que les bâtisses, ou les cafés, restaurants, ou les zones boisées, les milieux humides. Et puis la personne qui travaille sur un projet thématique peut aller dans OpenStreetMap, piger les données dont elle a besoin, au besoin de les filtrer et les manipuler. Ça c'est pour la manipulation de données, sinon aussi plus basiquement, ce ne sera pas long. Encore une fois, OpenStreetMap n'est pas une carte, mais simplement une base de données géographique. À partir de cette base de données, n'importe quel service web peut, avec une API, les extraire et les présenter selon différents filtres pour mettre en valeur les éléments qui leur semblent importants. Et puis là, on peut voir comme un patchwork de différentes présentations que le résultat de, il y a un petit pointeur parfois, le résultat de ce qu'on peut faire avec certaines API comme Leaflet par exemple, pour pouvoir mettre en valeur certaines voies de circulation, les mettre plus larges, plus fines, changer les couleurs ou même les supprimer, les épurer, et donc simplement avec une API. Ça c'est le scénario le plus simple. On se monte à un service web, on utilise l'API Leaflet par exemple pour filtrer ces données et on a ce type de résultat selon les paramètres de Leaflet que l'on choisit. Et puis sinon, la deuxième option, c'est à ce moment-là, on peut aussi télécharger les données d'OpenStreetMap au niveau provincial. Et à partir de ces données provinciales, faire des extractions sur le réseau routier, le réseau forestier, sur un territoire, une municipalité, et ensuite les utiliser soit à des fins statistiques, savoir qu'il y a par exemple 35 ruelles dans les Moineaux, ou bien 35 km de ruelles, 15 km de ruelles, et puis. Ça peut être éventuellement tout simplement pour ne pas utiliser une API pour aller toujours chercher les données live d'OpenStreetMap, mais se faire son propre jeu de données sur son serveur avec un mix des données OpenStreetMap plus d'autres données, par exemple de la ville de Québec qui n'y sont pas. On fait un mix des deux, puis on monte son service web à partir de ce mélange de données qu'on a fait en local sur son serveur. Donc les deux options sont là. OpenStreetMap intervient à ce moment-là en tant que producteur de données. Donc globalement, je dirais c'est ça. Je dirais aussi que, comme disait François tantôt, l'intérêt d'OpenStreetMap, c'est qu'elle peut. Il ne faut pas juste voir ça comme. Souvent, on pense carte comme réseau routier. Toutes sortes d'informations à caractère géolocalisé peuvent être renseignées, des informations à caractère local. On peut parler de bandes de micro-bibliothèques de rue sur un projet ou en plus du réseau municipal classique. On prévoit dans certains commerces des échanges de livres entre les gens du quartier, des choses comme ça. Les boîtes aux lettres communautaires de Post-Canada, que Post-Canada ne publie pas forcément dans un jeu de données ouvertes, si on ne les a pas en tant que jeu de données ouvertes, on ne peut pas aller les prendre et puis les rajouter sur la carte. Mais en faisant des relevés sur le terrain, on peut en faire un inventaire et puis à ce moment-là, bonifier l'information de la ville. Toutes sortes d'informations qui sont disponibles. Je m'excuse pour le téléchargement. Il y a quelques zones qui ne sont pas toujours bien visibles. Donc je dirais que c'est globalement ça. Je ne sais pas si y a d'autres commentaires ou questions relativement. J'ai peut-être une clarification. Mais on a regardé les codes postales justement. Vous venez de les mentionner à la toute fin. Légalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec les données que. On a trouvé qu'il y avait les FSA, c'est les trois premiers caractères des codes postaux, mais les trois derniers ne sont pas publiés complètement. Est-ce que vous avez plus d'informations là-dessus? Vous déjà recherché là-dessus? On n'a pas fait une recherche exhaustive là-dessus. Je dirais que. À date, c'est au niveau de lorsqu'on a travaillé sur le projet de changement de rue de Lévis, où là, on a été en contact avec la municipalité de Lévis, savoir comment on pourrait travailler avec leurs données ouvertes pour la mise à jour des adresses, des codes postaux, etc. Eux nous ont dit avoir l'information, mais ne pas pouvoir la publier en tant que données ouvertes. Okay. Donc, la seule chose qu'on a pu manipuler, c'est le nom de la rue en tant que telle, une rue Joseph Tremblay qui devient une rue Monique Corriveau par exemple. Ça se limitait à peu près à ça. Il y avait des arguments à caractère légal et au niveau des licences probablement, puis aussi des hésitations au niveau de l'utilisation de ces données ouvertes. Avec l'argument qu'une fois qu'on a collecté une base de données avec le numéro civique, le code postal, le nom de la rue, le nom de la ville, on a une adresse complète, on peut en faire une base de données pour du public postage et puis inonder le monde avec de la publicité du public postage ou du courrier indésirable, ce qui était selon eux un inconvénient à éviter. Et donc, ce qui fermait la porte aux données ouvertes à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est seulement à cause du postage qu'ils sont envoyés. C'était leur argument majeur. Je ne dis pas que c'est moi qui le pense, okay. C'est ce que nous, on a entendu de tout. Et puis, c'est une municipalité, je ne parle pas de Post-Canada, là. Peut-être que Post-Canada a une autre opinion. Ouais. Je dirais qu'il n'y a pas, à ma connaissance, en tout cas au moins au Québec, j'ai pas fait des recherches ailleurs, de limites administratives de chacun des territoires des codes postaux. Le découpage, ça n'existe tout simplement pas. Ça n'a jamais été fait. Voilà. Bon. Donc, je sais pas si ça. Ouais, c'est la conclusion aussi, là, c'est qu'il existe. Voilà. Ça existe. Donc, en fait, on y va à la pièce. On a un commerce qui s'implante, puis on a son numéro civique. On a la rue, puis on a son code postal, on le rajoute, puis ouais. Petit à petit, on se retrouve avec une densité dans un quartier de points géoréférencés, qui sont des commerces ou non des commerces, mais peu importe, des institutions publiques, des universités ou whatever. On se retrouve avec un ensemble de points qui ont l'information du code postal en tant que métadonnées, mais ce sont des données ponctuelles, parsemées, de manière aléatoire en fonction de l'enrichissement des données qu'on peut avoir. Mais il n'y a pas d'import massif qui a été fait, donc pas non plus de votre côté possibilité de faire une extraction massive, d'utiliser OpenStreetMap en tant que source de données à ce niveau-là. En fait, OpenStreetMap est... plus informel, c'est un réseau de contributeurs citoyens qui les maintiennent. Au niveau des données ouvertes, on utilise, c'est ça, les données ouvertes du gouvernement fédéral, et puis de donc Ressources naturelles Canada aussi. Et puis dans certains cas du municipal, comme à Montréal, il y a une bonne collaboration entre OpenStreetMap et puis les données ouvertes de la ville de Montréal. Et donc là, on a la possibilité d'utiliser leur licence Creative Commons pour importer des données, ce qui a été fait. Donc on a un niveau de détail intéressant. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond. Merci. Avec Madame Mercier à Montréal, c'est ça? Oui, c'est Diane ça. Mercier. Oui. Diane Mercier, pour ça, c'est l'ambassadrice canadienne de Open Knowledge Foundation qui a créé la Journée internationale des données ouvertes. Donc, c'est Mme Mercier qui est partie de l'initiative des journées comme aujourd'hui au Québec. Alors, pour revenir brièvement sur les licences, c'est ça, c'est que Creative Commons est une licence très intéressante, ouverte et standard. Puis, le gouvernement du Québec et les municipalités du Québec ont fait un grand pas en avant à ce niveau-là, très intéressant, parce qu'elles ont repris cette licence standard plutôt qu'une licence maison. Rédigés à l'interne chez eux en silo selon des avis juridiques des compétences des uns et des autres au niveau de leur municipalité par exemple. Donc là on se retrouve avec quelque chose de plus standard mais pas toujours exactement compatible avec la licence OpenStreetMap. C'est là où on a matière à discussion parce que pour qu'une donnée ouverte soit incorporée dans OpenStreetMap, réutilisable par les contributeurs, il faut faire attention à la mention d'attribution et puis de correction des données aussi. Si l'organisme qui publie un jeu de données ouvertes veut absolument voir sa contribution, la mention pour le public en tant que source de données, c'est difficilement visible sur une carte, bien évidemment. Et puis si elle verrouille les données, lecture seule et qu'on n'autorise pas éventuellement la remanipulation de ces données-là, l'enrichissement de ces données-là. On parle des données sur le réseau routier, sinon on veut rajouter par exemple des métadonnées sur est-ce qu'une ruelle est asphaltée ou ne l'est pas. Un arbre, on a juste son espèce, mais on n'a pas sa hauteur, et puis on peut faire des statistiques sur les hauteurs des arbres. Ben, nous, on va les manipuler ces métadonnées-là, puis on va les enrichir. Si le producteur de données ouvertes nous dit qu'elles doivent rester telles que telles, là, à ce moment-là, la licence est non applicable et on ne peut pas faire l'import massif. Donc, avec Montréal, c'est réglé. Avec Québec, on a encore une petite discussion, savoir au niveau de l'attribution, est-ce que c'est correct, est-ce qu'on peut les attribuer, comment on les incorpore. Là, je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet-là, parce qu'on pourrait en parler un peu plus. Oui, il y a une question. Oui, c'était justement par rapport à ça, là, parce que vous parliez des données que vous tiriez du gouvernement du Canada, de Montréal, mais la ville de Québec, comment sont les relations je dirais, plein de données. Oui. Est-ce que vous avez accès, là, vous me dites que vous n'y avez pas accès en raison des licences, c'est ça? Oui, on est en discussion, donc effectivement, et en questionnement effectivement avec un représentant de la ville actuellement hein, pour voir comment on peut les incorporer et puis comment eux acceptent cette incorporation là et puis tout n'est pas encore coulé dans le béton. Ça a avancé récemment mais on ne serait pas encore prêt à les utiliser mettons aujourd'hui mais il y a une très bonne ouverture sans jeu de mots à ce niveau là et bonne écoute et je pense qu'on va arriver à trouver un terrain d'entente, ça tient à mon humble avis à pas grand chose. Voilà.